questions. Ah, ben une, deux minutes par question. Parfait, pour pouvoir avoir un esprit de synthèse, pour pouvoir répondre à tous ces les aspects de la guérison miraculeuse. OK, on en commence avec une intéressante. En parlant de guérison miraculeuse, oui. J'oublie toujours. Il y a le congrès d'études sur la paix, pour ceux que ça peut intéresser, qui va se tenir le 30 septembre, un dimanche ici. Et puis, ce congrès-là, ben, on va justement parler des prophètes de la paix après les prophètes de malheur qu'on a connus. C'est-à-dire qu'on va essayer d'élaborer avec plusieurs conférenciers, dont Raphaël Payeur des Rose-Croix, Carmen Loranger des sciences cosmiques, Pierre Bélanger, Alexandre Lachance et moi-même, sur les bonnes nouvelles que les prophètes et les prophéties amènent. Parce qu'il ne faut pas oublier que les prophéties prévoient une certaine apocalypse pour purifier, pour après ça amener l'homme à une apothéose totale. Mais on ne parle jamais de cette apothéose-là. Et puis l'apothéose est pas mal plus important que l'apocalypse. Puis l'apocalypse, c'est pas nécessaire. C'est pas nécessairement dû qu'on va le passer. L'apothéose, c'est sûr. Puis l'homme, ben l'homme s'amuse à parler d'apocalypse. Il aime ça. Alors, ce congrès d'études sur la paix, ben, on va voir justement les probabilités qu'on a de paix et quels sont les vrais messages laissés par les prophètes sur l'apothéose. Alors, c'est le 30 septembre. Les billets sont déjà en vente. Je crois que ça se vend assez bien. C'est pour ça que je préfère vous en parler un petit peu. Ça va être assez intéressant. À toi, Michel. Bon, on commence. Pourquoi les guérisseurs ou autres voyants, etc., demandent-ils parfois des tarifs si exorbitants, jusqu'à 200$ même de la séance? Font bien. Si c'est une capacité de l'être humain, un don que tous peuvent développer, pourquoi ne pas le donner? Ce que tu donnes à un plus que l'autre, plus pauvre que toi, t'es remis au centuple, ne signifie pas cette matérialité si exclusive, me semble-t-il, ou alors ésotérisme est aussi devenu une société de consommation. Voilà. Alors, ce qui arrive, voilà, c'est que ce que tu... si c'est une capacité de l'être humain, un don que tous peuvent développer, pourquoi ne pas le donner? Alors, il est aussi permis à tous les êtres humains d'avoir de l'argent, de travailler, de réussir mentalement, s'ils se contrôlent bien, à avoir des finances. Et une chose qui est sûre, c'est qu'un individu qui passe, disons, une semaine, ou qui passe, disons, 30 heures par semaine à guérir du monde, ben s'il faut qu'il travaille en même temps pour pouvoir assurer sa survie, ben il guérira pas. Alors, si nous autres, on est trop occupés à travailler ou trop occupés à faire bien des choses pour se prévaloir de notre santé, pour s'occuper de notre santé, ben je pense qu'on mérite royalement de payer 200$, comme les médecins coûtent cher aussi, comme les médicaments coûtent cher aussi, pas pour rien que ça coûte cher. Au lieu de se tenir en santé parce que ça coûte cher, ben on fait tout pour baisser les prix, pour pouvoir se permettre de continuer à être malade. Et une autre chose aussi, c'est que ce qu'on reçoit gratuitement, les personnes qui évoluent, qui justement ont certaines formes de dons, souffrent énormément de bien d'autres choses. Et ce qu'on reçoit gratuitement, ben imaginez-vous donc, puis ça, je suis bien placé pour le savoir, que ceux qui reçoivent certaines formes d'énergie ou qui ont certaines capacités à faire de quoi, ont souffert, ont passé par des martyrs que la majorité du monde n'ont pas vus. C'est pas gratuit. Il faut qu'on paye pour recevoir ce qu'on a reçu. Et si cette énergie-là, je la gaspille en la donnant à du monde, par exemple en termes de guérison, en la donnant à du monde qui veulent se faire guérir, mais qui veulent pas s'organiser pour être en santé, qui vont revenir me voir d'ici 2 semaines ou 2 mois ou 2 ans, bien je gaspille, moi, l'énergie que j'ai réussi à ramasser. Alors, l'énergie monétaire étant elle-même une forme d'énergie. Parce que quand vous travaillez, vous dépensez de l'énergie et il y a un retour d'énergie, on vous donne de l'argent. Cette énergie-là, elle vous permet d'acheter une auto au lieu de l'avoir à la construire. Si vous construisez votre auto, vous prenez énormément d'énergie à la construire. Vous prenez l'argent, vous l'achetez. C'est de l'énergie, l'argent. L'énergie que vous réussissez à accumuler. Alors, si moi, je vous guéris, puis que vous, vous en allez, puis que vous revenez après encore vous faire guérir, que vous continuez le même train-train de vie, bien, mon énergie, je la gaspille. Puis ce que je reçois et que j'ai payé pour recevoir, si je la gaspille, je la perds. Alors, automatiquement, je demande donc un retour d'énergie qui va être financier, parce que ça, je suis sûr que je l'ai. L'individu qui est guéri instantanément, qui va bien, qui veut guérir, ben cet individu-là, il n'aura pas payé longtemps. Puis lui avec, il va recevoir la possibilité de se guérir, de comprendre la guérison, puis de guérir les autres. Puis ça, c'est important. Moi, je suis malade, qu'est-ce que je fais pour être en santé? Ben rien. Mais pourquoi que lui qui peut guérir, il faudrait que je le paye? Mais pourquoi il faudrait pas que tu le payes? Pourquoi que lui, il faudrait qu'il perde du temps à te guérir toi quand toi, tu n'es pas capable de prendre ce temps-là pour te tenir en santé? Puis je pense que ça, il faut voir ça de cette façon-là énormément. Ce qu'on reçoit gratuitement, faites-moi confiance que c'est rare. Vous gagnez à la loterie gratuitement, c'est après que vous allez payer. Hein? Alors ça, les dons divins, les personnes qui ont des dons divins, qui peuvent guérir, qui n'ont plus de vie privée, qui se font déranger continuellement au téléphone pour faire des guérisons, pour qui, toute fois qu'ils rencontrent quelqu'un, ben, ils se font ramasser encore pour guérir, ben, ce monde-là, là, ils ont un beau karma à payer. Puis plus qu'ils vont augmenter leur prix, plus ils vont diminuer leur karma, de deux façons. Le retour d'énergie se fait, puis en plus, ceux qui n'ont pas d'argent ou ceux qui trouvent que c'est trop exorbitant vont arrêter de l'achaler. Donc, ils commencent à éclairer son public, ils commencent à payer moins de karma. Ils allègent sa souffrance. Juste ici, au centuple, ben c'est ça. Alors, vous êtes venu au monde avec une santé, puis vous l'avez perdue. Vous l'avez gratuitement, puis vous l'avez donné, votre santé. Vous l'avez plus, hein? Vous l'avez pas au centuple. Alors, ésotérisme est devenu une société de consommation. Ben, c'est ça. C'est que qu'est-ce qui... l'ésotérisme a toujours été une société de consommation. Et bien pire que la société qu'on a présentement. Tous ceux qui ont la connaissance, tous ceux qui ont toujours eu la connaissance, qu'est-ce qu'ils ont fait avec la connaissance? Ils n'ont jamais pu la communiquer. Pourquoi? Parce qu'ils étaient tout le temps dans la rue. Pourquoi? Parce qu'ils ne chargeaient rien. Parce qu'il n'y avait pas d'argent après ça pour pouvoir faire des conférences. Parce qu'il n'y avait pas d'argent pour louer une salle pour faire des conférences. Parce qu'il n'y avait pas de moyens de communiquer leurs connaissances. Au Québec, on en a eu plein de personnes qui réellement avaient des connaissances extraordinaires. Ils n'ont jamais pu la communiquer. Ou à un très petit nombre. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas d'organisation financière en arrière d'eux autres. Et l'organisation financière, c'était eux qui devaient la bâtir. Ils donnaient de l'énergie, il fallait qu'ils ramassent de l'énergie pour continuer à payer leur loyer, pour continuer à avoir une salle pour recevoir le monde, pour continuer à communiquer l'énergie. C'est un péché d'être pauvre. C'est pas d'être riche qui est un péché. Puis une personne, on a tout ce qu'il faut pour le faire. Alors, ce qu'il faut faire, il faut s'organiser intelligemment. Il faut se priver de certaines choses, peut-être. Mais à un moment donné, on n'a plus besoin de s'en priver, parce que pendant 15 ans, on s'en est privé. Là, on arrive avec une espèce de château fort, puis le monde nous dit, « Ben oui, mais toi, tout ça, tu pourrais le donner. » Oui, mais si je te le donne, tu vas-tu apprendre? Non, t'apprendras pas. Fait que moi, te donner le moyen d'apprendre, tu vas payer pour. C'est normal. Alors, c'est ce qui arrive. Ça a été une société de consommation. Tous ceux qui avaient la connaissance la gaspillaient, de la traîner dans les rues. Il y a peu de salles, on ne peut pas passer à la télévision, ils ne peuvent pas écrire de livres. Les livres, on doit les importer d'ailleurs, de France ou des États-Unis. Pourquoi? Parce qu'on consomme l'énergie. On reçoit de l'énergie, puis on la gaspille. Présentement, bien, si on regarde au niveau du Québec, qui est l'endroit le plus privilégié dans le monde en ce qui concerne l'ésotérisme, ben on doit payer pour voir une conférence, on doit payer pour suivre un séminaire, on doit payer pour suivre un cours, puis c'est normal. Mais remarquez que plus le monde paie, plus il y a de conférenciers qui ont de l'allure, parce que ceux qui avaient la connaissance sans le pouvoir financier finissent par se faire aider. Puis les individus qui paient, bien, ils peuvent encore payer, alors on ne les a pas ruinés. Par contre, on a une salle pour les recevoir. On a des moyens pour diffuser la connaissance, qui peut être des cassettes, qui peut être n'importe quoi. Mais un individu qui donne gratuitement à une population qui ne mérite pas de recevoir gratuitement, c'est un individu qui gaspille. Puis si vous méritez de recevoir gratuitement, c'est que vous êtes en santé et vous avez déjà la connaissance. Vous n'avez pas passé d'initiation pour l'avoir, vous n'avez pas à souffrir pour l'avoir. Vous souffrez présentement pour apprendre des choses. Quand vous les avez appris, ces choses-là, c'était-tu gratuit? Non, c'est payé pour. Puis après ça, vous essayez de communiquer à vos enfants, de les empêcher de refaire les mêmes gaffes que vous. Ça vous donne quoi? Ça vous donne que vous payez un autre karma, parce qu'à un moment donné, ça va tout vous venir dans le visage. Puis ils vont faire leurs expériences pour apprendre. L'apprentissage, ça se paie. Par la vie ou par le système financier, mais ça se paie. C'est normal qu'un guérisseur, c'est sûr qu'il y en a qui exploitent. Mais si vous allez voir un guérisseur qui vous exploite, vous payez 200$ puis vous vous faites exploiter, ben vous gaspillez votre énergie, puis vous gaspillez votre argent. Puis là, c'est à vous de plus y aller, parce que là, c'est vous encore qui êtes coupable. Le guérisseur qui exploite, ça, c'est son affaire. Si ça marche, il est brillant. Si vous, vous vous faites exploiter, c'est votre affaire. Mais là, vous gaspillez votre énergie. Autant que le guérisseur qui guérit régulièrement puis qui ne demande pas une scène, gaspille son énergie. Sauf s'il y a une guérison dans un individu et que cette guérison-là va réellement l'aider à évoluer. Pas l'aider à revenir 2 ans après avec une autre pathologie. Pas lui amener plein de monde pour les faire guérir. Pas pour l'amener à triper astralement. Savez-vous que la connaissance des initiés n'est pas faite pour pouvoir épater ou impressionner l'homme? Elle est faite dans un but. Puis ce but-là, c'est pas l'homme impressionnable qui peut le déterminer, le but. Puis c'est pas l'homme impressionnable qui va déterminer le coût à payer pour ça. L'initié le sait. Si vous vous faites exploiter, vous gaspillez. Si vous avez quelque chose d'extraordinaire puis que vous le donnez, vous vous gaspillez encore. La société, présentement, n'est pas faite pour que vous donniez gratuitement sans rien recevoir en retour. Ça veut pas dire que vous aidez les individus, c'est parfait. La société va vous aider. Vous avez un retour, pas nécessairement de l'individu. Mais une chose qui est sûre, c'est que si vous faites des meubles et que vous les donnez à tout le monde, bien, à un moment donné, vous allez devoir les travailler autrement que pour faire des meubles. Vous allez devoir faire de l'argent pour vivre. Sinon, c'est votre femme et vos enfants qui vous aimeront plus. Alors, vous allez devoir, justement, vendre, monnayer ça. Mais si vous n'avez pas le temps de faire des meubles parce que vous guérissez ou parce que vous parlez, bien, qui va travailler? Qui va vous amener l'argent? Le bien-être social? L'assurance chômage? Là, vous vivez aux dépens de la société. Puis là, vous êtes encore une personne qui risque d'amener la société dans des crises monétaires comme on a là. Alors, ce qui fait que c'est pas ça qu'il faut faire. Il faut être intelligent. Vous avez un service, payez pour, puis vous n'aurez pas de karma contre. Vous payez trop cher, vous vous faites exploiter, c'est de votre faute, puis vous allez payer pour. Parce que vous gaspillez votre énergie. Mais l'individu qui a de quoi donner, s'il n'y a pas un retour d'énergie pour cette énergie-là, il gaspille l'énergie, puis un jour, il la perd. Tous ceux qui ont eu la connaissance dans le Québec, partout ailleurs sur la Terre, mais surtout dans le Québec, voulaient la donner gratuitement. C'est beau, mais pas dans le contexte qu'on est là. Parce qu'il n'y a personne qui leur donne gratuitement. Puis à un moment donné, ils peuvent plus rien donner. Vous voulez des connaissances, parfait. Mais si je peux pas parler parce que j'ai pas de place, j'ai pas de moyens de parler, ben je parle pas. Alors vous allez vouloir payer pour l'avoir, la connaissance. Mais si tout le monde paye pour avoir la connaissance, ça fait longtemps qu'on paye, ben de coup on dit, crime, pourquoi qu'on paye? On devrait ne pas payer, parce que vous avez oublié le temps où il n'y avait aucune connaissance qui était diffusée au Québec. Au niveau de la guérison, c'est la même chose. Si vous vous faites exploiter, vous gaspillez. Et le gars qui a réussi à guérir puis qui reçoit rien en retour, il gaspille lui avec. De penser que plus tu donnes, plus tu reçois, c'est vrai. Mais à un moment donné, ça marche plus, ça. Parce que l'énergie qui est gaspillée, à un moment donné, ça ne va plus du tout. Ça marche pas. Je peux guérir 300 personnes sans jamais rien leur charger. La 301e, ça marche pas. Puis moi, ben moi, je suis pogné d'un cancer, je suis pogné d'une tumeur, puis moi, maintenant, je paye l'énergie que j'ai gaspillée. J'ai l'impression que vous vous adressez à une maternelle. Vous parlez beaucoup. Allez-vous enfin nous donner des techniques comment se protéger quand on est thérapeute? As-tu signé Gérard? Bon. Alors, quand on est thérapeute, comment se protéger? Ben c'est ça. Premièrement, je viens de le dire, là, ça répond déjà un peu. Faut charger pour, faut avoir un retour d'énergie pour, faut pas gaspiller notre énergie. Si c'est un thérapeute qui est magnétiseur, bon, ben, moi, juste donner des petites techniques parce qu'en fin de compte, c'est pas... succinctement. Oui, c'est ça. Pourquoi? Parce que le but même de la guérison miraculeuse, c'est pas de guérir les autres. C'est de s'organiser pour instruire les autres, pour que les autres soient en santé. Ça, c'est une guérison. Puis c'est miraculeux si ça marche, parce que habituellement, on veut guérir. Hein? On veut magnétiser, guérir un mot, mais pas s'organiser pour qu'il n'y ait plus de mots, parce que c'est souvent trop trippant de guérir de même. Mais ça, c'est du gaspillage d'énergie. L'homme qui a une énergie vitale hyper densifiée, qui peut faire des guérisons, n'a pas une énergie vitale pour guérir. Il se trouve qu'il peut guérir. Le Nazaréen n'est pas venu sur la Terre pour guérir. Il a guéri, mais lui, il a fait d'autres choses. Il a fait son cheminement, lui. Alors, c'est ça. Une chose qui est sûre, c'est que dans les méthodes de guérison, il y a l'énergie magnétique qu'on transmet au monde. Donc, on se vide pour le remplir. On peut aussi absorber, attirer un malaise, une douleur. Donc, on absorbe l'énergie malsaine pour laisser l'énergie ambiante, qui a de l'allure, pénétrer dans l'individu. Mais quand on absorbe, très efficace. Mais qu'est-ce qu'on fait avec l'énergie maintenant qu'on a dans le corps qui est absorbée, qui est l'énergie maladive de l'autre? Ben, une chose qui est sûre, si on se coule les mains, ça a l'air absolument stupide, mais on risque de se clairer d'une bonne maladie en faisant ça. Une autre chose avec, il faut prendre une douche après, il faut se laver énergiquement. Pourquoi? Parce que l'énergie vitale commence par rester au niveau de la surface corporelle. Alors, l'individu, entre chaque guérison, comme un médecin, après chaque visite de patient devrait faire, on devrait se laver. Pourquoi? Parce que l'énergie magnétique s'en va avec l'eau, l'énergie qui n'est pas encore infusée dans l'homme, puis on règle le problème. Mais une chose qui est sûre, c'est qu'il faut toujours avoir à l'esprit. Parce qu'un magnétiseur qui n'a pas ça, un thérapeute qui n'a pas ça à l'esprit, ben, il est peut-être digne d'une classe de maternelle. Pourquoi? Parce qu'il doit apprendre. Non pas que l'important n'est pas de guérir. L'important est d'avoir une population en santé pour qu'après ça, on puisse bâtir de quoi qu'il va avoir de l'allure. Là, on a une population malade, puis on veut s'évertuer à la guérir. Puis vu qu'on veut s'évertuer à la guérir, on n'a pas le temps de l'éduquer pour être en santé, et surtout que la population, à la longue, est éduquée à ne pas vouloir être éduquée, mais à vouloir rester malade pour être soignée. C'est subtil. Oui, c'est subtil, mais c'est vrai. Alors, ce qui fait qu'un vrai thérapeute prévient, il guérit pas. Puis quand il est pogné à guérir, ben il y a des manières de guérir, il peut magnétiser, faut qu'il se lave, il va se secouer les mains parce que l'énergie, autant que tu émets l'énergie, ben l'énergie la plus facile à émettre, c'est bien celle que tu viens de soutirer. Alors elle, tu peux l'émettre, tu la secoues. Elle s'en va, ça fonctionne. Tu te laves les mains, tu prends une douche, ça va bien. Mais une chose qui est sûre, c'est qu'il faut toujours avoir à l'idée. Puis ça, c'est pour n'importe qui ici. Vous voulez vous guérir, c'est beau, mais prévoyez un programme à long terme pour ne plus jamais avoir à vous guérir. Ça, c'est vachement mieux. C'est ça qu'il faut faire. Un vrai thérapeute qui comprend va commencer à éduquer, lui, premièrement. Parce que « fais ce que je dis, faites pas ce que je fais », ça, c'est pas une belle éducation. C'est tout à fait typique de notre société, mais c'est pas ça qu'il faut faire. On le fait. Puis par après, par l'exemple, puis après, par des cours ou n'importe quelle manière, on pourra éduquer la société. On pourra éduquer du moins notre entourage. Guérir, c'est beau, mais il faut enseigner à ne plus avoir besoin de la guérison. OK, on continue. Une personne de mon entourage est gravement malade. Je souffre beaucoup de la voir dans cet état. Comment faire pour accepter la réalité et ne plus me laisser perturber par ce que je ne peux pas changer? MB. Bon, ben c'est ça. C'est que la personne, premièrement, le gros handicap de la psychologie humaine, c'est d'observer une réalité, une personne malade, et de vouloir que cette réalité soit ce qu'elle aimerait. Donc, elle compare l'illusion, elle compare ce qu'elle voudrait à ce qui est. Puis comparant ça, ben elle est malheureuse. C'est ça qui est le problème ici avec. Une personne qui souffre, on ne peut pas l'aider si on souffre. Alors donc, si vous êtes déjà pris émotivement par une personne qui est malade, ben pensez donc qu'à un moment donné, elle va guérir, peut-être. Je connais pas la nature de la maladie. Habituellement, la personne guérit. Et quand elle est guérie, ben à un moment donné, il y a une autre personne de votre entourage qui est malade. Mais si on s'occupe de ceux qui sont en santé, pour les garder en santé, quand on peut pas s'occuper de ceux qui sont malades, parce qu'on n'a pas la formation professionnelle ou on n'a pas le cadre social pour le faire, ben on empêche du monde de devenir malade, justement. On commence par soi. Voyez-vous, vous voyez l'extérieur à partir de vous-même. Puis toute l'humanité vous apparaît selon ce que vous voyez à partir de votre psychologie, de votre conception. Puis changer le monde, ben ça commence par changer ça. Ça commence par changer la vision qu'on a du monde. Puis cette vision-là, on l'a en dedans de nous autres. Donc, on commence à changer le monde en se changeant soi-même. Alors, souffrir parce qu'une personne souffre, ben évidemment, la personne veut s'en sortir parce qu'elle se rend bien compte que ça sert à rien, ça mène nulle part. Il y a un gaspillage d'énergie. Occupez-vous donc de ceux qui sont en santé avant qu'ils deviennent malades. Les enfants qui n'ont pas de problème, un enfant qui dit la vérité tout le temps, c'est bien correct. Un enfant qui compte des mensonges tout le temps, ben à un moment donné, ça nous chasse. Tu sais, on le chicane de temps en temps, mais à un moment donné, on arrête de le chicaner, on le chicane plus trop. Mais la journée qui dit la vérité, cet enfant-là, hein, c'est incroyable, on le félicite, hein, on lui donne un paquet de becs, on lui achète un gâteau puis un petit jouet. Mais l'enfant qui dit la vérité tout le temps, lui, on s'en balance comme la garante. Puis la journée qui dit le mensonge, il mange une maudite volée, bien pire que l'autre qui me compte des menteries tout le temps. Hein. On s'occupe jamais de celui qui est en santé. On veut s'occuper de ceux qui sont malades. Mais c'est ça le mot, t'as dit problème. Ce qui fait qu'on a une société tout le temps malade. Parce que on a du monde qui s'occupe des malades. Ben laissez-les s'en occuper des malades. Mais si vous n'avez pas la possibilité, ou même si vous êtes médecin ou thérapeute ou n'importe quoi, ben occupez-vous du monde en santé aussi, puis de vous. Puis ceux qui ont la formation professionnelle ou le cadre social professionnel pour s'occuper des malades, ben ils vont s'en occuper des malades, puis vont, s'ils sont moindrement ouverts, ben ils vont aussi voir qu'il faut qu'ils s'occupent du monde en santé. Parce que sans ça, l'enfant, lui, qui compte toujours la vérité puis qu'on s'en balance parce qu'on est habitué, ben c'est la personne qui est en santé. Puis l'enfant qui est tout le temps malade, quand il vient guéri, on est tout content. Puis quand l'autre tombe malade, ben ça nous tracasse. Parce qu'un enfant qui souffre continuellement, un enfant leucémique, par exemple, ben on passe bien plus de temps à s'en occuper, puis il est tout le temps malade. Puis un enfant qui est tout le temps en santé, quand il tombe malade, on s'en occupe moins. On est moins porté, puis on se tanne bien plus vite de s'en occuper que l'autre. Hein? Alors, c'est toujours la même chose. Comment accepter la réalité? Ben justement, c'est une réalité. Puis une chose qui est réelle, c'est réel. Alors, vouloir que ce soit comme on pense, ben ça change pas la réalité. Alors, faut vivre, simplement. L'émotivité, là, c'est pas le temps qu'elle vienne, là. Parce que là, elle va nous détruire. Là, c'est une énergie qui va nous balayer. Mais il y a du monde en santé. Là, c'est le temps que l'émotivité sorte. Là, elle va nous aider. Faut qu'on s'occupe du monde en santé. Faut commencer par s'occuper de nous autres avant qu'on soit malade. Ça, c'est intelligent. Ça, c'est correct. Puis ça, c'est digne d'un vrai thérapeute qui s'organise pour plus jamais avoir à soigner. Quand l'humanité aura plus besoin de médecins, on pourra serrer la main au médecin. On va le trouver de la job. Faites-vous-en pas. Alors, comment changer ça? Ben une chose qui est réelle, une chose qu'on observe, ben faut pas essayer de la comparer à ce qu'on aimerait qu'elle soit. Parce que là, c'est officiel qu'on va souffrir. On peut pas s'en sortir. On est bien mal parti. C'est ça qu'il faut s'occuper du monde en santé, beaucoup plus que d'autres choses. Parce que ceux qui sont malades, ils souffrent, Il y a du monde qui va s'en occuper, puis c'est pas en souffrant à nous autres qu'on va les aider. C'est en arrivant à leur chevet, tout joyeux, tout pépant de pep, tout barbouillé d'enthousiasme, puis en s'en allant, puis en restant comme ça. Pas en s'en allant, puis en étant déprimé, puis en arrivant là, puis en étant déprimé. Parce que ça déprime en tabarouette. Puis il y a même du monde qui vont se faire remonter le moral par le malade. Parce que le malade est souvent en meilleure santé morale que la personne qui vient de voir. Fait qu'imaginez-vous comment qu'on est rendu. Je crois que là, ici, il y a une question, là. Peut-être tu as répondu plus ou moins directement. Est-ce que le guérisseur peut se protéger et comment? C'est ça. Le guérisseur se protège, premièrement, en sachant, en contrôlant le retour d'énergie. Donc, tu ne donnes pas pour rien. Tu donnes ce que tu reçois, c'est normal. Ou tu t'arranges pour recevoir ce que tu donnes. Il y a toujours des exceptions, mais ce n'est pas une exception que tu es un homme ou une femme. Mais à un moment donné, ça tue. En plus de ça, ben, il doit évidemment se laver, se soigner entre chaque guérison énormément. Et puis surtout, il doit viser à évoluer lui-même. Parce que si sa sphère de vibration est plus haute, hein, s'il comprend, s'il a un but écologique dans sa thérapie, comme tout à l'heure je vous parle d'un but écologique, c'est quoi? Faire en sorte qu'on n'a plus besoin de thérapeute. Ça, c'est un but écologique. Là, on vérifie l'écosystème psychologique humain, l'écosystème pathologique humain, pour veut l'organiser pour qu'il soit harmonieux, plus de maladies. Bien, cet individu-là qui se conscientise, qui fait un travail dans ce sens-là, bien, augmente son taux vibratoire. Donc, il va guérir plus, il va guérir mieux. Fait attention à son énergie, par exemple, il faut qu'il y ait un retour d'énergie. Mais surtout, étant plus haut, il va être beaucoup moins sujet à attraper des maladies. Parce que même le peu d'énergie malsaine qu'il aurait en lui va être transformé en énergie haute, qui va lui permettre de continuer à guérir. Alors ça, c'est des manières de se protéger. Mais il faut toujours penser qu'il ne faut pas être malade. Quelle différence fais-tu entre l'émotivité et l'intuition, succinctement? Merci. Bon, il y a deux sortes d'intuitions qui vont hanter l'homme, c'est-à-dire qui vont habiter l'homme. L'émotivité, c'est quelque chose qui vient de nos mémoires, qui est psychologique, c'est-à-dire qui est typiquement relié à l'homme. Et l'intuition, ça peut simplement être une forme d'émotivité, une forme de mémoire qui vient tout d'un coup donner un message à l'homme. Cette intuition-là, c'est une intuition qui est souvent fautive, qu'on ne doit pas trop suivre. L'autre forme d'intuition, c'est quand on a accès à une forme d'énergie supérieure à l'astral, donc aux mémoires, une forme d'énergie supérieure au mental, donc à l'intellect. L'intellect, lui, peut réfléchir en puisant dans ses mémoires, donc dans ses connaissances. Donc, c'est une intelligence limitée à ce qu'il connaît. C'est pour ça que l'homme veut connaître plus pour avoir un plus gros intellect, pour pouvoir réfléchir mieux et travailler plus. La forme d'intuition supérieure au mental, c'est une forme d'intuition qui amène à l'homme une connaissance qui n'est pas tributaire de ses mémoires. Donc, on appelle ça présentement l'énergie supramentale. On peut aussi appeler ça l'énergie du Saint-Esprit. Cette forme d'intuition-là amène à l'homme un savoir instantané, hein, qui lui amène une information qu'il ne connaissait pas, mais qu'il découvre. Mais l'homme n'étant pas présentement capable de discerner entre une intuition psychologique, donc dangereuse, dans le sens qu'elle peut tromper, et une intuition supramental ou de l'Esprit Saint, de l'intelligence active, ben, l'homme ne pouvant discerner ça, l'homme est, ben, il ne devrait pas truster ni l'une ni l'autre. Mais l'intuition, c'est ça qui est la différence avec l'émotivité. Comment se fait-il que depuis que je suis régulièrement des cours en ésotérisme, que je suis de plus en plus sensible aux vibrations positives et négatives aux endroits où je me trouve? Exemple, vibrations négatives du travail versus vibration positive du centre. Comment faire pour me protéger du négatif et comment capter le positif? Merci. Bon, capter le positif, il n'y a pas de problème. Si l'individu commence de plus en plus à capter ça, automatiquement, il devrait être de plus en plus en santé. Par contre, ça arrive souvent qu'un individu qui perçoit plus parce qu'il a développé inconsciemment, et je dis bien inconsciemment, parce que s'il aurait voulu le développer, il n'aurait pas pu le développer. Alors, ce qui fait que comment capter plus, ben oublie ça. Tu vas finir par capter plus, mais cherche-le pas. Parce que si tu veux capter plus, tu as peur de capter les énergies négatives en même temps, puis tu vas avoir un paquet de... Un individu qui se conscientise ou qui développe une hypersensibilité au magnétisme extérieur, le magnétisme qui peut être astral ou vital, donc négatif dans le sens qui perturbe son harmonie et positif dans le sens qui rehausse sa vibration, donc qui rehausse son harmonie, bien l'individu, souvent, va mettre trop d'importance aux impressions négatives qu'il reçoit. Donc, il accentue aussi la captation d'impressions négatives. Moi, quand je vais quelque part où c'est négatif, Ben pourquoi c'est négatif? Moi, ça sera pas négatif parce que moi, je vais m'entourer d'une forme d'énergie positive. Pas parce que je le veux, parce qu'à un moment donné, c'est ça. L'individu, il a plus à être manipulé par les formes d'énergie négative qui viennent de lui-même, comme ses mémoires, comme ses peurs, comme ses craintes, comme tout à l'heure on parlait des phénomènes émotifs qui le rendent malade. À un moment donné, il ne faut plus que ça manipule l'homme. Même chose pour l'extérieur aussi. Mais l'homme devient sensible. C'est normal qu'il devienne sensible aux énergies parce que l'homme évolue, donc augmente son taux vibratoire puis devient plus réceptif à ces choses-là. L'énergie négative, là, on a juste à simplement pas vouloir la percevoir. Puis ça se fait très bien. Je rentre à mon travail, c'est évident que je vais débiner à mon travail, bien, je me mets en relation avec les énergies négatives. Mais si, mentalement, je décide de faire en sorte, par exemple, que mon travail ne soit pas une habitude, que je prends conscience de ce que je fais dans mon travail, bien, vous allez voir que les énergies négatives, il n'y en a plus. L'énergie négative, c'est simplement ce que vous permettez aux formes d'énergie de vous pénétrer, et qui sont en inharmonie avec vous. Mais ça, c'est vous qui le permettez. Je sens une énergie négative. Mais faisant pas un château, faisant pas un gâteau, c'est tout, sans l'air, puis laisse-la là. Mais si je sens l'énergie positive, tu peux vouloir embarquer dedans. Exactement comme si je te dis, mange la marde. Mais il y en a que ça leur fait rien, puis il y en a que ça leur fait quoi? Pourquoi? Parce qu'il y en a que cette énergie-là, ils la laissent pénétrer en eux, puis il y en a d'autres, ben ça leur fait rien. Mais c'est ça. Je rentre quelque part, je vais dans un cimetière, je sais c'est un accident ou n'importe quoi, puis plein d'énergie négative. Ben, caresse-là l'énergie négative. Moi, je n'ai pas besoin. Je l'aperçois, OK. Je conçois, je suis conscient que je l'aperçois. Puis c'est tout. Puis quand c'est l'énergie positive, je m'en occupe. Mais s'il faut tous les fois que je pense à purifier l'atmosphère, à contrôler les énergies négatives, je deviens malade de tout ça. Puis là, m'être bien plus pris par les énergies négatives que par les énergies positives. Puis ça, c'est drôle, mais c'est souvent un cheminement qu'un individu va faire. Les énergies négatives, là, vous les oubliez. Vous êtes conscient qu'ils sont là, c'est parfait. Maintenant, laissez-les dehors de vous. Comment? Ben, c'est simple. Oubliez-les. Arrêtez de penser. Travaillez sur vous, vous-même. Vous vivez, vous faites de quoi? Le reste, il viendra pas vous achaler. Mais si, il y a des énergies négatives ici. Puis, c'est plate, c'est ici. Puis, c'est, tu sais, non, mais on se sent mal. Ben, c'est ça. Arrêtez de vous sentir mal. Ça a l'air facile à dire. C'est facile à faire avec. Ça ressemble au positivisme? Ben, tant mieux. Si ça a l'inutilité, c'est celle-là. Les énergies négatives vous toucheront pas. Puis quand c'est positif, ben maudit, profitez-en. Essayez pas de vous dire crime, c'est plus fun qu'hier. Hier, c'est négatif, c'était pas beau. Aujourd'hui, c'est mieux. Ah ouais. Qu'est-ce que tu fais avec les énergies positives de là? Tu les laisses dehors, puis tu tripes encore sur hier. Bien important. Quand c'est positif, crime, profitez-en. Quand c'est négatif, oubliez ça. L'homme, il est pas manipulé par des affaires qui veulent l'écraser. L'homme, il est manipulé parce que lui, il accepte. C'est simple. Puis luttez pas contre. Parce que lutter contre, ben c'est faire la guerre. Faire la guerre, ben c'est être en guerre. Ça va à peine, hein? On est dans le négatif au bout quand on lutte contre. Mais on les laisse à côté. Question d'une personne qui a vécu une expérience négative. À l'âge de 4 ans, j'ai été violé. Je suis suivi en psychiatrie depuis 1960. Est-ce que ça peut durer longtemps encore? Je suis marqué pour la vie, je crois. Merci pour la réponse, quelle qu'elle soit. Bon, mais la réponse est simple. Une personne, prenons les femmes. Les hommes, c'est rare qu'ils se font violer. Petit peu, ça arrive. Une femme qui se fait violer, elle est marquée pour la vie. Pourquoi? Parce qu'elle déteste se faire violer. Un enfant de 4 ans, c'est surtout parce qu'il va apprendre après que c'était pas beau. Il y a un paquet de cossins dans le genre. Donc, on le programme, on lui explique que ce qui s'est passé, c'était dégueulasse, puis que s'il est normal, ben il devrait rester pogné avec ça. C'est ça, être normal. Parce que tu te fais violer sa rue, là, puis tu comptes ça à ta blonde, puis t'as bien aimé ça, toi. Es-tu normal? Bon. Mais si t'aimerais ça, parce que c'est toi qui décides. Tu te fais violer, t'as pas le choix. Pourquoi t'aimes pas ça? D'un coup, si tu te mets à aimer ça, ben, t'es plus manipulé, puis t'es plus marqué par rien. Puis si ça te tente à un moment donné de donner un bon coup de genou, c'est que vous, on peut penser, ben, vous allez être en état de le faire. Pas si vous êtes absolument terrorisé par ce qui se passe. Quand vous êtes avec un individu que vous aimez bien, ou ben non, que ça vous tente simplement d'avoir une relation, ben, vous êtes pas marqué pour le restant de vos jours. Puis quand c'est de force parce que vous ne vous laissez pas faire. Mais quand vous n'avez pas le choix, ben moi, t'as dit, transformez donc vos énergies puis aimez ça, puis vous ne risquerez pas marqué. Ça a l'air bien cochon. C'est pas cochon, crime. Si vous faites violer pareil, vous risquez peut-être de ne pas vous faire assassiner après. Hein? Vous donnez votre numéro de téléphone au gars, un faux numéro, mais une chose qui est sûre, le gars ne vous étranglera pas. T'sais, vous allez rester vivante après, puis le gars ne vous retrouvera pas, puis vous allez être intelligente. Effectivement, les gens qui s'en sortent le mieux, c'est ceux qui jouent le jeu, plutôt que de subir le jeu. Exactement. Tu joues le jeu, c'est tout. Fait que tu dis au gars, un instant, saute-moi pas dessus, Christy, tu me plais en tabarnouche. Ah, le vin, tu es tout content. Tu sais, maudit, un coup de genou des deux jambes, tu te sauves. Mais si t'es vain, viens même paniquer. Ben, le gars, il te saute dessus. Puis plus tu résistes, plus tu vas être marqué. Parce que dans ta psychologie, t'es convaincu que ça devrait pas se faire. T'es convaincu que c'est pas beau que ça se fasse. T'es convaincu tellement de concepts qui fait que t'es marqué. Puis à 4 ans, une personne est violée, elle peut pas être marquée. Elle peut être marquée par des coups, des choses de même. Mais marquée surtout par l'éducation de ceux qui, de ceux qui vont venir la soigner après. Parce que c'est ça, les thérapeutes. Ils viennent la soigner. Ils viennent lui montrer comment qu'elle devrait sentir maintenant que ça s'est arrivé. Ils viennent pas lui dire qu'elle devrait aimer ça, parce qu'ils ont peur qu'un jour elle aime ça. Mais c'est quoi aimer ça? Hein? Bon, mais c'est bien mieux d'aimer ça que de rester marqué tout le temps. Comment faire pour passer ça? Mais c'est simple, il y a rien là. Puis à 4 ans, qui a été marqué à l'âge de 4 ans? Quel corps a été marqué à l'âge de 4 ans? Pas votre corps. Pas l'âge que vous avez là. C'est pas 4 ans. Quelle psychologie a été marquée à l'âge de 4 ans? Pas vous. À moins que vous ayez resté avec des images, des idées de cette psychologie-là, qui a été incrusté par l'éducation de ceux qui vous ont soigné, qui ne connaissaient pas l'écosystème psychologique d'un individu. Mais ça, c'est simplement une programmation. Vous avez appris un paquet de choses là-dessus, puis vous restez pris avec ça. De dire que ça va vous hanter toute votre vie, c'est une décision que vous prenez. Une décision qui est ahurissamment, disons, absurde. Parce que pourquoi faudrait que ça vous hante toute votre vie? Elle peut être longue, votre vie, en tabarouette. Ben, Christy, y a rien là, vous avez eu une relation sexuelle, peut-être même pas, parce qu'on voulait expliquer, là, ce que c'était passé. Ben, à l'âge de 4 ans, il a pas dû avoir grand-chose, certain. Parce qu'il y en a un qui a dû avoir des... À moins que c'était un enfant de 4 ans ou de 5 ans, hein, qui vous a violé. Parce que réellement, il peut pas avoir eu grand-chose. Qu'est-ce qui a frappé surtout l'individu qui s'est fait violer à l'âge de 4 ans? C'est sans doute surtout ce qu'on lui a dit après. Pas ce qui s'est passé. Alors, si ce qu'on vous a dit après, vous le croyez, c'est comme si vous allez voir un film et vous décidez que c'est vrai. C'est comme si vous allez voir un conférencier et vous décidez que c'est vrai. Faut que vous réfléchissiez de par vous-même. Je sais qu'à l'âge de 5 ans, 6 ans, 7 ans, 8 ans, 9 ans, 10 ans, 11 ans, 12 ans, vous étiez peut-être pas apte à réfléchir sur ce qu'on vous disait que c'était passé, sur ce qu'on vous disait qu'il fallait plus que vous sortiez, sur ce que vous avez lu dans les journaux, etc. Mais ça, c'est juste des choses que vous acceptez. Vous décidez de changer ça, puis c'est tout. Un individu qui se fait violer, s'il se met à aimer ça, il s'est plus violé. Puis s'il se fait plus violer, ben je sais bien qu'après ça, le gars ou la fille, il voudra plus la revoir. Mais sur le moment même, au moins, il vit une expérience qui sera pas néfaste tout le temps. Mais je sais pas pour aimer ça. Pourquoi? Parce que dans le plein de concepts moraux, sociaux, religieux et philosophiques qui nous empêchent d'aimer ça. Puis c'est ça qui nous pogne. Ben les choses qui nous pognent de même, faut mettre ça aux poubelles en maudit. Au point de vue psychologique, c'est effectivement le cas. C'est-à-dire que les enfants qui se font violer, bien souvent, ce qui les marque, c'est pas... le viol lui-même, mais c'est le contexte qui entoure, c'est-à-dire la rage des parents qui fait en sorte que l'enfant perçoit que ce qui s'est passé, c'était grave, donc ça s'est réprimé pour le restant de ses jours. C'est ça. Alors que si les parents avaient véhiculé ça comme étant simplement une expérience désagréable, mais qui passe comme un bobo, mais l'enfant, ça, il serait pas imprimé avec ça. Mais ma face, donc, comme c'est les gens sont pas grave. Comme les gens sont convaincus que le viol, c'est pas comme un bobo, ben c'est parfait, ils le transmettent, puis ça va rester de même temps qu'on va voir une terreur. C'est ça. Alors l'individu doit donc se reprogrammer, puis étudier ça, puis c'est un médecin qui vous parle, puis c'est moi, puis vous êtes capable de réfléchir. Ben c'est ça. Ce qui a frappé à 4 ans, c'était l'éducation qu'il y a eu par après. Cette éducation-là, vous auriez eu une autre éducation, ça vous aurait pas marqué. Preuve que c'est très relatif, très aléatoire et très illusoire. Donc, on reforme cette éducation-là, puis on oublie ça. Puis si on veut pas être hanté par ça, ben oubliez donc ça tout court. Vous n'aurez pas besoin de le reformer, puis Christy, vous avez une vie à vivre devant vous. Vous la vivez. C'est elle qui est belle. Pas ce qui s'est passé, pas ce qui s'est peut-être passé, puis pas ce qui aurait pas dû se passer. Hein? C'est ce qui se passe aujourd'hui qui est important. Question un petit peu diététique. De quoi pourrait se composer un menu si l'on mangeait une fois par jour? Merci. Très spécial comme question. Très spécifique. Bien, premièrement, avant de manger une fois par jour, il faut réellement être capable d'assimiler comme du monde. Ce qui veut dire que ça faut qu'un jeûne intervienne. Faut que des méthodes d'alimentation de plus en plus végétariennes interviennent. On peut encore prendre de la viande à la condition qu'on mélange avec des légumes crus avec différentes choses qui vont permettre à la viande d'être digérée avant de pourrir dans les intestins ou ben non, qu'on va être capable d'assimiler. Alors, il y a donc un jeûne. Il y a des étapes qu'il faut suivre, qui sont enseignées, qui vont l'être aussi, pour arriver justement à être capable d'assimiler intégralement ce qu'on mange. Vous mangez une pomme, vous assimilez tout ce qui est assimilable de la pomme. Autrement dit, un jour, vous devriez être capable de prendre, par exemple, un céleri, vous le mastiquez comme il faut, puis vous rejetez tout après. Pourquoi avaler? Tout ce qui était assimilable est dans la salive et rendu dans le corps. La fibre, on n'a pas de besoin. Alors un jour, l'homme a même plus besoin de se servir de son système digestif pour pouvoir travailler. parce qu'il est capable, justement, d'assimiler par la bouche tout ce qu'il a à manger. Mais avant d'en arriver là, ben, continue à manger des fibres, très bon pour le système digestif, puis il y a des phases avant d'arriver à prendre un repas par jour. Puis ça, je dis ça, pourquoi? Parce que c'est pas une personne qui a un train de vie, disons, comme on connaît dans la société, qui tout d'un coup décide, moi, je prends un repas par jour parce que c'est intelligent ce qu'il a dit. Oui, mais il faut aussi être prêt. Il faut que physiquement, vous soyez prêt. Il faut que vitalement, vous soyez prêt. Même si on aurait une diète parfaite qu'une diététicienne ou un diététicien peut vous donner, mais votre corps peut ne pas être prêt à ça. Il y a une purification qui doit être commencée par un jeûne assez long. Mais un jeûne, c'est pas de se priver de nourriture, parce qu'il y en a qui en meurent de tout ça. C'est dangereux aussi, un jeûne. Il faut que ce soit bien fait, un jeûne. Il y a des livres qui existent là-dessus, il y a des cliniques là-dessus, il y a des médecins spécialisés là-dedans. T'sais, on prend des informations partout. Mais une chose qui est sûre, c'est que pendant un jeûne, il faut pas travailler. Alors, il y a des choses à faire pour que l'homme en arrive là. Pour l'instant, c'est pas tout à fait le temps. C'est mieux de prendre 3 repas par jour ou 2 repas par jour, mais de s'intéresser à les prendre le plus équilibré possible. Je pense qu'il y a en masse de documentation dans les librairies pour pouvoir instruire les individus, que de la documentation aussi dans les CLSC qu'on peut prendre. Puis après ça, on est capable de se bâtir au moins 3 repas peut-être, mais qui a de l'allure, qui nous permet d'assimiler comme du monde, en mastiquant comme il faut, puis en mangeant pas trop vite, en buvant le moins possible pendant qu'on mange, parce que sans ça, on dilue tout le bol stomacal, les acides et tout ça, donc on retarde, on ralentit la digestion. On peut boire après, on peut boire avant. Alors, il y a différentes choses, mais ça, c'est tout enseigné. Mais pour l'instant, pensez pas à prendre un repas par jour tout de suite, ou du moins vérifier avant. Faut purifier le corps, faut jeûner. Puis il y a bien des choses qu'il faut habituer, justement, notre organisme à assimiler des choses, qui n'est pas habitué à assimiler. Il y a quelques questions qui avaient rapport au phénomène de l'allergie. Fait que je prends une question que je pense qui résume ça, là. Le problème des allergies. Peut-on en guérir soi-même? Ce sont quelles sortes de maladies, en voulant dire peut-être quelles sortes d'émotions qu'il y a en arrière de les allergies? Bon, ben l'allergie, c'est évidemment un problème psychosomatique. Ça, je pense que même la médecine traditionnelle est d'accord pour dire qu'une allergie, c'est un... Vous avez une hypersensibilité à différentes choses qui peuvent être des animaux, qui peuvent être le travail. Hein. Il y en a qui sont allergiques au travail, ils sont paresseux. Et puis, ou encore à des plantes, au pollen, des choses comme ça. Ces allergies-là, qu'est-ce qu'ils font? Ben quand on a ça, c'est une entrée, une poutre, une espèce de... Notre psychologie veut savoir ce qui se passe, je veux goûter l'eau, je veux savoir si c'est bon, je mange un repas, faut que ce soit bon au goût, puis faut que j'aime ça. Hein? C'est typiquement astral, typiquement émotif, l'essence. Alors, ce qui arrive, c'est que on touche à certaines choses, et ça va automatiquement, par réflexe, ça va engendrer dans l'organisme humain une défense irrationnelle, très, très, très poussée, pour se défendre contre un agresseur qui n'existe pas. Comme le pollen, par exemple, habituellement, ça va être de l'histamine, c'est-à-dire une substance qui est sécrétée au niveau du corps, qui est hyper sécrétée, qui va causer des rougeurs, des picotements, des larmoiements, en tout cas, un paquet de choses dans le genre, ce qui fait qu'on va donner des médicaments qui vont être des antihistaminiques pour, justement, empêcher la création d'histamine. Mais ça, c'est quoi? C'est simplement une réaction. Comme tout à l'heure, je vous disais, si vous avez peur, vous sécrétez de l'adrénaline. Quand on touche certaines substances, le pollen, par exemple, de l'herbe à poux ou différentes herbes, ou encore on voit un chat, ben non, on touche à du poil ou du tapis, ou en tout cas un paquet d'affaires, la poussière, ben ça déclenche justement un syndrome de défense inadéquat, inapproprié, inutile dans l'organisme humain par réflexe. Un réflexe, c'est quoi un réflexe psychologique? Ben c'est ça. Si on vous donne des bêtises, vous réagissez tout de suite. Si je dis ta face est absolument laide, en plus tu pues, ben tu réagis. Quelqu'un vous rencontre dans le métro puis vous dit ça dans un coin, ben vous réagissez sans réfléchir, sans voir si ça a de l'allure. Oh, puis c'est pas grave qu'il pense ça. Non, c'est un réflexe psychologique. On vous dit ça, vous réagissez ça. L'éducation qui amène ça, la programmation qui amène ça. Alors c'est la même chose en ce qui concerne les maladies justement qui sont d'ordre allergique. Vous touchez une substance, on vous dit qu'il y a un chat chez moi. Ah oui, ah. Une demi-heure après, les yeux boursouflés. Ah, il n'a pas de chat. Ah, mais il y a de la poussière. On se trouve des raisons pour expliquer l'allergie. Mais même s'il y a un chat, si on le sait pas, on n'est pas allergique. Si le corps sent réellement les poils, des choses comme ça, il peut finir par être allergique parce que le réflexe est rendu même dans le corps physique puis juste dans la psychologie. Alors, comment sortir de là, se reprogrammer? Être allergique à différentes choses, ben c'est simplement réagir par un réflexe. Donc, c'est pas réfléchi. Il faut pas se désoler d'être allergique ou d'être asthmatique, par exemple. C'est simplement de prendre conscience que quand j'ai ce genre d'émotions, ça crée des réactions. Quand je rencontre certaines choses, bien, je réagis à ça. Puis en réagissant à ça, bien, c'est stupide, il y en a qui sont capables de toucher à ça et qui ne réagissent pas. Mais on en prend conscience. Puis lentement, avec le temps, on déprogramme le programme réflexe et puis on n'est plus allergique. Alors, c'est une chose qui peut être longue pour les individus parce qu'il y en a qui sont réellement bien convaincus qu'ils ne peuvent pas ne pas être allergiques. Bon, alors ça, c'est une reprogrammation qui se fait comment? Bien, en raisonnant sur l'allergie. Alors, à un moment donné, quand on va sentir des roses, bien, j'aurai pas les cheveux qui vont se dresser sur la tête. Puis, à un moment donné, quand je vais... Il y a une phobie, c'est quoi? C'est une allergie psychologique aussi. J'ai peur des ascenseurs, j'ai peur des escaliers roulants, j'ai peur des espaces clos, j'ai peur des espaces larges. C'est un réflexe. Du moment que je vois un ascenseur, je me mets à transpirer. Mais c'est un réflexe. Alors, on peut reprogrammer ça. Comment? Bien, c'est ça. Pas, on peut se dire, bien, les chats... je suis pas allergique aux chats, je suis pas allergique aux chats, je suis pas allergique aux chats. Quand on dit je ne suis pas allergique aux chats, on exprime que je suis allergique aux chats puis que je veux plus l'être. Alors, vous allez dire ça longtemps, vous allez toujours être allergique aux chats. Faut raisonner le phénomène, de déprogrammer. Je rencontre un chat puis je peux le flatter, puis ça devrait pas donner ce que ça donne. Ça le donne, mais ça, oubliez ça, ça devrait pas le donner. À un moment donné, ça le donnera plus. C'est une reprogrammation. Ça prend un certain temps, mais on peut guérir de n'importe quelle allergie comme ça. Une adolescente contracte une infection ayant comme conséquence la stérilité. C'est pas, mais pas par une maladie vénérienne, là. La personne tient à le préciser. Comment a-t-elle préparé cette maladie? Bon, bien, premièrement, il y a des maladies qui sont des leçons. Il y a des maladies qui sont préparées par une psychologie intrinsèque à la femme ou à l'homme pendant son adolescence, pendant sa jeunesse. Alors, il y a des personnes, par exemple, qui, à un moment donné, des femmes qui vont avoir une capillarité qui va être énorme, ils vont avoir des poils qui vont pousser un peu partout. Mais tout le temps qu'elle était jeune, cette femme-là, ben, elle jouait avec les garçons. C'est un garçon manqué. Puis à un moment donné, dans la psychologie évolutive de l'enfance jusqu'à l'adolescence, il peut y avoir des réactions comme ça. Une autre chose qui est sûre, c'est que la femme, elle a contacté certains genres d'infections par différentes manières. La stérilité, ben, la stérilité, ça peut être aussi pour lui enseigner quelque chose. Et puis il y a des maladies, comme tout à l'heure, j'expliquais, qui sont planétaires. Présentement, l'homme et la, ben, surtout la femme, ben, évidemment, ne peut pas avoir autant d'enfants qu'on en a eu à l'époque. Donc, il doit y avoir des femmes stériles. Alors, ce qui fait que, psychologiquement, astralement, là, on parle de psychologie planétaire, donc de l'astral planétaire, et d'intelligence qui dirige cet astral-là, on n'a pas touché ça à soir, là, mais en tout cas, on en a déjà touché un peu dans d'autres conférences. Ce qui va arriver, c'est que, on va forcer les individus, tout d'un coup, la mode est au pantalon serré, qui limite la circulation au niveau des testicules des garçons, par exemple, au niveau aussi des organes sexuels féminins. Et ça va stériliser des hommes, ça va aussi stériliser des femmes. Bon, alors on sait que par le disco, justement, a été une danse qui en a stérilisé un bon nombre, parce qu'il dansait avec des vêtements trop serrés. Alors, il y a énormément de choses. Dans la psychologie de la femme, elle ne veut plus avoir d'enfants tout de suite, elle veut vivre sa vie avant. Elle veut passer sa jeunesse, puis après elle en aura. Il y a tellement de phénomènes qui fait que, dont des maladies, justement, qui obligent la race humaine à arrêter de procréer. Parce que, premièrement, l'homme occidental, l'homme du moins européen, c'est-à-dire la race blanche, la cinquième sous-race de la race mère, la nôtre, ben, elle est rendue à un point où ce qu'on arrive dans une pente, dans un versant, poisson-verseau, l'ère du poisson amenée par Jésus-Christ, ben là, c'est fini. On tombe dans l'ère zodiacale du Verseau, qui va durer approximativement 2300 ans. Alors, ce qui arrive, c'est que l'individu doit se préparer, arrêter de procréer. Puis malheur, justement, aux femmes qui vont avoir des enfants dans un certain avenir. Hein? Alors, pourquoi? Parce qu'ils pourront pas survivre avec ça. Et surtout, que les enfants qui vont naître pourront pas être éduqués avec le cerveau qu'ils ont, avec les personnalités qui vont se réincarner à l'intérieur, pourront pas avoir l'éducation nécessaire. Donc, on ne doit pas avoir d'enfants. Parce que l'homme a évolué. Les esprits, les personnages réincarnatifs, l'entité réincarnative de la planète Terre a évolué. Hein? Quand vous venez au monde, vous n'êtes plus un homme des cavernes. À un moment donné, vous êtes différent. Parce qu'il y a une évolution qui s'est faite. Mais si maintenant, tous ceux qui sont prêts à se réincarner se doivent d'avoir une forme d'éducation pour les pousser rapidement, et que cette forme d'éducation-là n'est pas accessible présentement, parce que l'homme est en changement, ben, ils pourront pas se réincarner. S'ils peuvent pas se réincarner, on peut pas mettre des enfants au monde sans rien dedans. Ce qui fait qu'automatiquement, il y a des intelligences, il y a bien des choses qui manipulent la psychologie humaine, dont certaines formes de maladies planétaires, et qui vont amener l'homme à moins procréer. Ce qui fait qu'on a un taux de croissance infantile qui diminue régulièrement. Même si on a des médecins pour empêcher la mortalité infantile, ben on a moins d'enfants pareils. Puis c'est normal. Puis à un moment donné, tout ça va disparaître. Il y a plusieurs femmes qui sont stériles, qui vont redevenir procréatives. La médecine va en permettre justement à des femmes stériles ou à des hommes stériles d'avoir des enfants. On commence à étudier ça. Mais dans la psychologie de la majorité des femmes ou des jeunes filles, présentement, les enfants, pas de suite. On a même développé des méthodes d'avortement très, très, très efficaces pour justement, puis ça, c'était une manipulation planétaire, pour qu'il y ait moins d'enfants sur la Terre. Mais d'ici 15 ou 20 ans, tout ça va se rétablir. Il y a bien du monde qui sont stériles, qui vont redevenir pas créatifs. Alors, il y a des choses, justement, ça peut être il y a des maladies planétaires que vous n'avez pas besoin de chercher qui vont vous sauter dans le visage. Voyeur. Je mange bien, je suis positif, je me sens équilibré, mais j'ai tendance à être fatigué. Il me faut beaucoup dormir, 8 heures minimum, et je supporte mal le changement d'horaire, exemple une soirée tardive couchée vers 2 heures. J'ai besoin de plusieurs jours pour me relever. Pourquoi? Bon, alors premièrement, si elle mange elle mange bien quoi? Beaucoup? Ou si, bon, il y a différents phénomènes. Elle peut manger bien dans le sens qu'elle mange d'une façon qui est intelligente. Mais il y a différentes choses qui peuvent se passer. Quel genre d'émotion l'individu vit tout au long de sa journée? Est-ce que l'individu se sent déjà déprimé quand il sait qu'il va falloir qu'il fasse 2 heures de plus? Ou il y a une grosse, grosse partie de son activité qui ne sert qu'à gaspiller de l'énergie. Et ça, l'individu devrait le retrouver. Et il y a une autre chose avec des individus, parce que vous savez que quand tout à l'heure on parlait de manger un repas par jour, il faut habituer votre corps. Parce que si vous ne l'habituez pas, il ne fera pas. C'est pas compliqué. Alors si moi j'ai besoin de 12 heures pour récupérer, bien si à un moment donné je me force à me lever le matin de bonne heure, je me lève, je décide que je suis pépé, alors, je peux avoir besoin de 2 heures de sommeil pendant la journée à un moment donné, je peux être claqué. Mais il vient un moment donné où on habitue le corps à devoir se servir de ses ressources pour pouvoir garder de l'énergie, parce que là, il y en a besoin. Parce que s'il y a un apocalypse qui arrive ici, je suis sûr que cette personne-là, il n'aura pas besoin de dormir après une journée de marche. Si tout est à feu et à sang ici. Elle peut marcher une semaine de temps, pas être fatiguée, parce que là, elle va canaliser ses énergies, ses ressources, elle va s'en servir. Alors, c'est ça qu'il y a. Il y a un dressage qu'il faut faire à notre corps, à notre psychologie, par notre mental. Mais par notre mental, il faut aussi dresser notre mental, donc le programmer. Alors, un exemple de programmation, on en parlait un peu la semaine dernière, c'est un des cours qu'on va commencer ici en septembre, qui est le programme Maître Contrôleur. Ben c'est ça. On veut juste programmer, organiser le mental pour qu'il puisse s'auto-programmer. Puis après ça, toutes les choses comme ça, ben il n'y a plus de problème, parce que vous êtes capable de vous décider. Qui c'est qui est fatigué, votre corps ou votre psychologie? Ça, c'est bien important à voir, ça. Je ne veux pas me lever, pourquoi? Parce que moi, je me sens paresseux ou parce que mon corps n'est pas apte à se lever? Bien, avant, justement, de récupération, faut voir en crime qui c'est qui est fatigué là-dedans. Le corps physique ou la psychologie. Je veux pas me lever, j'ai trop de travail. Mon corps, lui, là, s'il fait pogne ici, il se lève debout direct. Lui, il est en forme pour le faire. Faut bien, bien étudier qui c'est qui est paresseux. Puis après ça, vous pouvez, justement, remédier à ça.